tiré de Marc 6, 1 à 6. Et ça fait un bon moment que nous étudions le livre de Marc. Et au début de Marc 1, 1, la Bible déclare: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Le sujet central de Marc, c'est Jésus-Christ, fils de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler du mépris. Le mépris du fils de Dieu. Par mépris, comprenez rejet. Par mépris, comprenez déshonneur ou déshonoré. Avant qu'on lise, ce n'est pas un long passage, mettre un peu le contexte. Ici, Jésus-Christ se trouve à Nazareth, parmi les siens. La Bible déclare dans sa patrie. Ça veut dire que dans le lieu où il a grandi. Donc, le lieu qu'il a vu grandir durant ses premières 30 années sur terre. Parce qu'il a commencé son ministère à 30 ans. Donc, depuis qu'il est né jusqu'à 30 ans, ils l'ont vu grandir, hein, ils l'ont vu évoluer, ils l'ont vu faire des choses. Mais avant d'aller à Nazareth, il était à Capernaum. Et là, on a vu comment je pourrais qualifier ça, une manifestation, plusieurs manifestations de la puissance de Dieu. Parce que une femme qui perdait du sang pendant 12 ans n'a pas touché Jésus, a touché le pan de sa robe et elle fut guérie instantanément. Pas au bout de 6 mois ou 1 an sur le champ. Les hommes ont tout fait, rien, mais elle a touché seulement le pan de la robe de Jésus et elle fut guérie. La fille de Jairus, Jésus-Christ l'a ressuscité. Elle était morte, mais Jésus a dit qu'elle dort. Et il la ressuscita. Donc là, on voit non seulement une manifestation de la puissance de Dieu, mais on voit également une manifestation de la foi. Non seulement de la foi de cette femme qui perdait du sang, mais aussi de la foi de Jairus, qui, quand sa fille était malade, allait vers Jésus pour qu'il la guérisse. Mais là, lorsqu'il vient parmi les siens, dans sa patrie, on a un contraste flagrant. Et on va le lire ensemble. Donc, Marc 6, versets 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Jésus partit de là où il fit les miracles, tout ça, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Luc 13, 34. Jésus dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Il y a ici deux choses à mentionner. La première chose, c'est on voit ici la volonté de Dieu d'être en communion avec son peuple, d'avoir une bonne relation avec son peuple. Alors, quand ce peuple se détourne de ses voies, quand ce peuple s'éloigne de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète, quelqu'un pour parler de sa part, quelqu'un pour ramener le peuple, en fait, pour annoncer la pensée de Dieu, pour annoncer les oracles de Dieu, afin de ramener son peuple à lui. Et comment réagit ce peuple? Lorsque ici la Bible dit Jérusalem, c'est le peuple d'Israël dans son ensemble. Comment donc réagit ce peuple? Soit il tue les prophètes, soit il les lapide. En fait, il rejette ses prophètes. Il méprise les personnes que Dieu envoie vers eux pour les ramener à lui. On va voir une illustration de ce qui vient être dit. On va prendre l'exemple du prophète Jérémie. Dans Jérémie 26. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut annoncée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux de toutes les villes de Juda, à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Shiloh. Je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Ici, lorsque le prophète en prophétisant dit que Dieu va traiter cette maison comme Shiloh, lorsque vous prenez 1 Samuel 4, c'est à Shiloh que les Philistins ont battu Israël. C'est là que les deux fils du sacrificateur Élie ont été tués. Et c'est là que l'arche de Dieu a été prise par les Philistins. Donc, lorsqu'il dit ça, ils comprennent les implications d'une telle prophétie. Alors, comment réagit donc le peuple? Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu mourras. » Le peuple marchait d'une manière qui n'honorait pas Dieu. Dieu envoie son prophète, la Bible dit dès le matin, donc aussitôt, Dieu envoie son prophète pour le ramener à lui. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire mourir. Il y a plusieurs exemples, mais je vais m'arrêter à celui-là. Tout ça pour faire comprendre la déclaration faite par Jésus. Et là, Jésus, en tant que Messie, à savoir, il est le sacrificateur, il est le roi, mais il est aussi le prophète. Va aussi subir le même mépris que les prophètes que Dieu envoyait à son peuple pour le ramener à lui. Lorsque Jésus partait à Nazareth, c'était dans le cadre de son ministère pour les apporter le salut, pour les ramener à Dieu. Il va subir le même mépris. Alors ce matin, dans Marc 6, Dieu montre trois facettes de la manifestation du mépris de Nazareth envers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La première facette de la manifestation du mépris envers Jésus-Christ, c'est envers sa personne. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, donc parmi les siens, les personnes qui le connaissent, qui l'ont vu grandir. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient. Donc ils étaient étonnés des paroles qui sortaient de sa bouche. Et qu'est-ce qu'ils disaient? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et là, il dit, le peuple dit, n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie, le frère de Joseph? En disant, n'est-ce pas le charpentier? Ils évoquent ici la condition sociale humble. La condition sociale humble. N'est-ce pas le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude, de Simon, en mentionnant les membres de sa famille? Il mentionne son humanité. Il regarde à son humanité et non à sa divinité. Lorsque la Bible dit qu'ils étaient étonnés, ce n'est pas un étonnement, waouh, c'est pas un étonnement, alléluia, que Dieu est puissant, il est fort. Non, ce n'est pas ce type d'étonnement. C'est un étonnement comment quelqu'un comme ça peut dire de telles choses, peut annoncer de telles choses. Comment un charpentier, comment quelqu'un de basse classe peut dire des choses ainsi, peut enseigner des choses ainsi, peut accomplir de tels miracles. Il méprisait ce qu'il est. En fait, ils étaient trop familiers avec lui. La familiarité avec lui les a aveuglés par rapport à la dimension spirituelle de Jésus-Christ. Où ailleurs, les gens le voyaient comme le Fils de Dieu, ici, on le voit comme le fils de Marie ou le charpentier. La familiarité. La familiarité est un danger. à se trop être familier tend à ôter. En fait, on peut être amené à fait que lorsqu'on est familier avec quelqu'un, on regarde, on peut voir les défauts de la personne. Je ne parle pas ici de la personne de Jésus parce qu'il est, il est parfait à tous égards. Mon point ici, c'est la familiarité tend à ôter une certaine dimension à quelqu'un. Quand je te connais trop, je connais tes défauts, cela peut avoir tendance à minimiser certaines choses concernant une personne. Mais là, Jésus, il est parfait à tous égards. Et il a vécu pendant 30 ans parmi eux. La Bible n'est pas précise sur comment est-ce que les choses, comment est-ce qu'il a vécu, mais il me semble que c'était quand même un jeune homme remarquable parmi le peuple. Mais étant donné qu'ils étaient trop familiers avec lui, ils n'ont pas vu sa dimension divine, qu'il est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était pour eux une occasion de chute. La deuxième facette de la manifestation du mépris de Nazareth envers Jésus, c'est envers les paroles. Les paroles de Jésus. Le verset 4. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Le prophète ne parle pas de lui-même. Le prophète vient, il annonce les oracles, il annonce la pensée de Dieu. Jésus, il n'enseigne pas les choses selon lui, mais il enseigne les choses que Dieu lui a donné de faire ou de dire. Alors, mépriser le messager, c'est mépriser non seulement celui qui l'a envoyé, mais aussi c'est mépriser le message. C'est mépriser les paroles qui sortent de sa bouche. C'est mépriser son enseignement. Donc ici, les gens de Nazareth, en méprisant Jésus, le prophète, car il est aussi prophète, il méprise les paroles de Jésus. Il méprise l'enseignement de Jésus-Christ. La troisième facette, la manifestation du mépris de Nazareth envers Jésus, c'est envers ses œuvres. Et là, on le voit dans les versets 2 à 3. Lorsqu'ils entendirent enseigner, qu'est-ce qu'ils se sont dit? D'où lui viennent ces choses? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Donc cela indique que soit ils ont entendu parler des miracles opérés par Jésus, soit ils ont vu ces miracles-là. Au niveau du verset 5, il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Parce que vous prenez Matthieu, Matthieu va plus loin en disant que il ne fit pas beaucoup de miracles. Donc, il fit des miracles, mais pas beaucoup. À cause de leur incrédulité. Donc, les gens de Nazareth, les habitants de Nazareth ont soit vu les miracles de Jésus, soit déjà entendu parler des miracles. De toute façon, il vient de Capernaum et les nouvelles vont vite. Matthieu, c'est ça, 13:54. Ouais. C'est pratiquement la même histoire qu'il raconte, mais Matthieu dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, ils l'ont vu ou ils ont entendu, mais malgré cela, qu'est-ce qu'ils disent? on ne croit pas qu'il peut guérir, qu'il peut faire de grandes choses, qu'il peut agir avec puissance. Donc ce matin, on a vu les trois facettes de la manifestation de le mépris de Jésus, fils de Dieu. La première facette, c'était envers sa personne, de qui il est. La deuxième, ses paroles. La troisième, ses œuvres, sa puissance. Alors aujourd'hui, comment l'appliquer aujourd'hui? Par rapport au mépris de la personne de Jésus, on voit aujourd'hui que si on demande à plusieurs personnes, pour toi, qui est Jésus? Certains diront que c'est un personnage historique. D'autres diront que c'est un grand rabbin, un grand enseignant de la parole. Certains diront que c'est un homme comme nous autres qui faisait des choses exceptionnelles, mais ça s'arrête là. Est-ce que Jésus pour toi est Dieu? Est-ce que Jésus pour toi est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité? Est-ce que Jésus pour toi, il est venu sur terre pour nous sauver, pour te sauver? Il est mort, il est ressuscité le troisième jour pour que tu aies la vie éternelle. Si tu vois Jésus comme seulement un homme et ça s'arrête juste là, eh bien, tu méprises le Fils de Dieu. Il y a des blasphèmes qui se font au niveau du Fils de Dieu, à travers les médias ou certaines personnes qui disent des faussetés sur Jésus-Christ. Certains même disent que Jésus-Christ n'est pas réellement mort, que c'était juste une histoire et qu'il a fini par avoir une famille et des enfants. Il a vécu dans un petit village en Israël. Penser comme ça, c'est mépriser le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Parce que c'est un blasphème. Mépriser la personne de Dieu, la personne de Jésus, c'est aussi donner à Jésus, Dieu le superflu. Dans Amos, Dieu dit à son peuple, un fils honore son père et un maître et un serviteur craint son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et vous dites, en quoi t'avons-nous? Il a dit, pourquoi me méprisez-vous? Et ils répondent, en quoi t'avons-nous méprisé? Et Dieu dit que vous me méprisez parce que vous me donnez ce qui est chétif, ce qui n'a pas du prix pour vous. Vous me méprisez parce que vous me donnez ce qui est sans importance. Lorsque vous venez faire une offrande, vous regardez vos brebis et vous prenez la plus chétive, celle qui a les pattes presque brisées. Et c'est ça que vous prenez, que vous m'apportez. Et il dit que lorsque vous allez voir vos gouverneurs, est-ce que vous allez leur offrir de telles choses? Si on dit la reine d'Angleterre vient ici, bon, c'est vrai qu'elle est décédée, hein, le roi. Elle a tellement duré que, écoute, donc, le roi d'Angleterre vient apporter lui un présent. Est-ce qu'on va pas tout acheter quelque chose de précieux, de beau? Pour lui offrir, oui, pour l'honorer en tant que roi. Donc si, entre hommes, on agit de la sorte, à combien plus forte raison Dieu? Et c'est le reproche dans Amos que Dieu fait à son peuple, que vous me méprisez parce que vous me donnez votre superflu. Et aujourd'hui, on peut mépriser aussi Dieu en donnant à Dieu le superflu. Dans notre temps, le superflu, dans les choses que, dans nos offrandes, le superflu. Vous savez, quand j'étais plus jeune, adolescent, j'étais un grand fanatique de football, le soccer ici, et lorsque mon équipe favorite jouait, je ne voulais pas manquer un de leurs matchs. Donc, il savait qu'un jour, une réunion de prière d'étudiants, parce que j'étais comme dans une résidence d'étudiants, et mettons les mercredis après-midi, les chrétiens étudiants, on se mettait comme dans une salle. Et puis on priait ensemble, on louait Dieu ensemble, et puis on lisait la parole ensemble. Et là, il savait qu'un jour, un match de mon équipe favorite coïncidait avec une de ces réunions. Bon. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et là, bon, j'ai agi avec folie. Donc, j'ai préféré m'asseoir et regarder le match. M'enfermer dans ma chambre, faire comme si je n'étais pas là, éteindre la lumière, faire comme si je n'étais pas là, pour que lorsque les autres me cherchent, ils passent devant ma chambre, ils ne voient pas de lumière, et puis ah, il n'est pas là, et puis ils sont bons. Donc, ici, bon, je ne suis pas fier de ça, ici, c'est... En fait, j'ai méprisé ici Dieu, parce que entre donner à, même si mon équipe favorite jouait, la priorité devait rester Dieu. Et ce n'est pas ce que je fais ici. Donc souvent, ce sont les choses qui arrivent, de donner à Dieu le superflu. Entre Dieu et autre chose, on prend autre chose. Mépriser les paroles de Jésus. Rejeter l'autorité des Écritures, c'est aussi mépriser ses paroles. Dire que les Écritures, okay, la Bible, ne vient que de l'homme, c'est mépriser la source des Écritures. Les Écritures ont été inspirées par Dieu. Et renier, rejeter ce fait-là, c'est mépriser les paroles de Jésus. Qui est la parole de Dieu? Accepter, c'est refuser la vérité. C'est de dire que la Bible dit ceci, mais moi, voici ce que je pense. Et ma vérité, hein, c'est quelque chose qui s'entend beaucoup aujourd'hui, ma vérité est différente de la vérité de la Bible. La vraie vérité. Et refuser la vérité, c'est mépriser les paroles de Jésus. C'est mépriser Jésus. Tout à l'heure, Michel a lu Philippiens où Dieu dit que de ne pas considérer uniquement ses intérêts, mais aussi ceux des autres. Est-ce qu'on l'accepte? Ou est-ce qu'on dit « Oh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Ce n'est pas une affaire d'être d'accord avec ça. C'est la parole de Dieu. Lorsque, dans l'introduction, on l'a lu, lorsque Dieu parlait à Jérémie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit « Ne retranche rien. Annonce-le tel que je te l'ai donné. » Diluer les Écritures, c'est aussi renier, mépriser Jésus-Christ. Diluer, c'est ajouter ou retrancher quelque chose. La Bible déclare « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La Bible n'a pas dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même dans certaines circonstances. » Ou tu aimeras ton prochain comme toi-même parce qu'il te salue. Ou tu aimeras ton prochain comme toi-même parce qu'il est poli envers toi. Ou tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que tu aimes bien sa tête, sa façon de faire. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de feux étrangers, beaucoup de mensonges qui sont insérés dans la parole de Dieu. Comme mensonge, vous êtes sanctifié, purifié, eh bien, vous pouvez vivre dans la débauche comme vous voulez. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Diluer les Écritures, c'est chercher à plaire aux hommes. La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes se feront leur propre docteur, des personnes qui leur diront des choses qu'ils veulent entendre. Récemment, j'étais en Côte d'Ivoire et dans beaucoup d'églises, d'assemblées, les gens, pour avoir le maximum de personnes, il y a certains sujets qu'ils évitent, qu'ils ne traitent pas. Comme les sujets sur la sanctification. Il y en a beaucoup. Parce que si tu touches à certains sujets, tu risques de toucher la sensibilité de certaines personnes qui décideront, non, ça ne m'intéresse plus, je vais ailleurs. Et pour plaire, pour avoir le plus grand nombre de personnes, qu'est-ce qu'on fait? On dilue, on atténue. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est très, très tranchante. Mépriser les œuvres de Jésus. Mépriser sa puissance. mépriser son omnipotence. Alors comment méprise-t-on Jésus? Comment méprise-t-on sa capacité de nous secourir en se confiant en l'homme? Devant une situation donnée, quelle est la première réaction? Fléchir genou et invoquer Dieu ou se tourner directement vers l'homme? Minimiser la puissance de Dieu. La Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham. Ceux qui sont en Christ sont les fils d'Abraham. La foi d'Abraham, des fois, quand cet homme-là m'étonne. La Bible dit que lorsque Dieu lui a dit de donner Isaac, en son cœur, il était convaincu que même si Isaac mourait, Dieu était puissant pour ressusciter Isaac. Pourtant, il n'avait pas vu avant, selon les Écritures. Mais là, il dit que je suis convaincu que Dieu, il est puissant, que même si Isaac meurt, il va le ressusciter. Parce qu'il m'avait promis que c'est lui, le fils de la promesse. Est-ce que nous limitons Dieu dans son rayon d'action? Ou est-ce que nous laissons libre cours aux choses? En fait, est-ce que nous limitons Dieu? En fait, c'est ça, minimiser sa puissance, c'est le limiter. Limiter sa capacité de faire les choses. L'homme est incapable. Mais la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Cela peut être impossible aux hommes. Désespéré. Rien. D'un bois sec, Dieu peut faire germer un bourgeon. Une femme, hein, la merci dit que c'est impossible. À un certain âge, une femme ne veut plus concevoir. Mais Sarah a conçu à quel âge? 90. Scandale pour les médecins. Folie pour les médecins. Mais c'est ça la puissance de Dieu. Elle est sans limite. Même une relation qui est brisée, il peut la restaurer. Que ce soit une relation femme, mari, femme, une relation mère, fille ou parent, enfant, même si elle est brisée, Dieu peut la restaurer. L'incrédulité, c'est refuser de croire, peu importe ce qu'on voit. Peu importe les témoignages, c'est refuser de croire que Dieu peut. Alors, tout ça, c'est mépriser Jésus. Alors, l'appel de Dieu ce matin, c'est que toute personne ici présente, quiconque ici présent, ne méprise pas Jésus. Ne méprise pas Jésus. Mais l'honore. Honorer Jésus, c'est honorer la personne qu'il est. Seigneur des seigneurs, roi des rois, fils de Dieu, saint et véritable. Le sauveur de l'humanité, le ressuscité, hein, l'alpha et l'oméga. Honorer Jésus, c'est obéir, marcher selon ses voies et honorer Jésus. C'est croire que il est puissant pour faire tout, mais aussi pour te sauver. Et là, c'est une seule chose. C'est juste de le recevoir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Là, quelqu'un dirait, comment faire ? La Bible dit que c'est par grâce, par le moyen de la foi. Si on disait qu'il fallait payer une certaine somme, eh bien j'aurais dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient dire « Ah, c'est intéressant, parce qu'on paye, je me sens redevable, il faut que j'échange ça avec quelque chose. » Mais c'est gratuit. Et là, comment ça peut être gratuit? Ne méprise pas Jésus comme Nazareth l'a fait, mais honore-le. Amen.